faut aimer le reggae, mais... Attends. Merci. Yeah. Gastro, c'est pas bien. Pas bon. Thank you. Qu'est-ce qui t'arrive ?